Ézéchiel chapitre 20. Or il arriva, la septième année, au dixième jour du cinquième mois, que quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel, et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, « Fils d'homme, parle aux anciens d'Israël, et leur dis, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, est-ce pour me consulter que vous venez ? Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, si vous me consultez, ne les jugeras-tu pas, ne les jugeras-tu pas, fils d'homme ? Donne-leur à connaître les abominations de leur père. Et leur dit, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, le jour que j'élus Israël, et que je levai ma main à la postérité de la maison de Jacob, et que je me donnai à connaître à eux au pays d'Égypte, et que je leur levai ma main, en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. En ce jour-là même, je leur levai ma main, que je les tirerai hors du pays d'Égypte, pour les amener au pays que j'avais découvert pour eux, pays découlant de lait et de miel, et qui est la noblesse de tous les pays. Alors je leur dis, que chacun de vous rejette de devant ses yeux les abominations, et ne vous souillez point par les idoles d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais ils se rebellèrent contre moi, et ils n'agréèrent point de m'écouter, pas un d'eux ne rejeta de devant ses yeux les abominations, ni ne quitta les idoles d'Égypte, et je dis que je répandrai ma fureur sur eux, et que je consommerai ma colère sur eux au pays d'Égypte. Mais ce que je les ai tirés hors du pays d'Égypte, je l'ai fait pour l'amour de mon nom, afin qu'il ne fût point profané en la présence des nations parmi lesquelles ils étaient, et en la présence desquelles je m'étais donné à connaître à eux. Je les tirai donc hors du pays d'Égypte, et les amenai au désert. Et je leur donnai mes statuts, et leur fis connaître mes ordonnances, lesquelles si l'homme accomplit, il vivra par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats, pour être un signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Mais ceux de la maison d'Israël, se rebellèrent contre moi au désert, ils ne marchèrent point dans mes statuts, mais ils rejetèrent mes ordonnances, lesquelles si l'homme accomplit, il vivra par elles, et ils profanèrent extrêmement mes sabbats. C'est pourquoi je dis que je répandrai sur eux ma fureur au désert, pour les consumer. Et je l'ai fait pour l'amour de mon nom, afin qu'il ne fût point profané devant les nations, en la présence desquelles je les avais tirés d'Égypte. Et même je leur levai ma main au désert, que je ne les amènerai point au pays que je leur avais donné, pays découlant de lait et de miel, et qui est la noblesse de tous les pays. Parce qu'ils avaient rejeté mes ordonnances, qu'ils n'avaient point marché dans mes statuts, et qu'ils avaient profané mes sabbats, car leur cœur marchait après leurs idoles. Toutefois mon œil les épargna pour ne les détruire point, et je ne les consumai point entièrement au désert. Mais je dis à leurs enfants au désert, ne marchez point dans les statuts de vos pères, et ne gardez point leurs ordonnances, et ne vous souillez point par leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu, marchez dans mes statuts, et gardez mes ordonnances, et les faites. Sanctifiez mes sabbats, et ils seront un signe entre moi et vous, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais les enfants se rebellèrent aussi contre moi, et ils ne marchèrent point dans mes statuts, et ne gardèrent point mes ordonnances pour les faire, lesquelles si l'homme accomplit, il vivra par elles, et ils profanèrent mes sabbats. C'est pourquoi je dis que je répandrai ma fureur sur eux, et que je consommerai ma colère sur eux au désert. Toutefois je retirai ma main, et je le fis pour l'amour de mon nom, afin qu'il ne fût point profané devant les nations, en la présence desquelles je les avais tirés d'Égypte. Et néanmoins je leur levai ma main au désert, que je les répandrai parmi les nations, et que je les disperserai dans les pays. Parce qu'ils n'avaient point accompli mes ordonnances, et qu'ils avaient rejeté mes statuts, et profané mes sabbats, et que leurs yeux étaient attachés aux idoles de leur père. À cause de cela, je leur ai donné des statuts qui n'étaient pas bons, et des ordonnances par lesquelles ils ne vivraient point. Et je les ai souillés en leurs dons, en ce qu'ils ont fait passer par le feu tous les premiers-nés, afin que je les misse en désolation, et afin que l'on connût que je suis l'Éternel. C'est pourquoi, toi, fils d'homme, parle à la maison d'Israël, et leur dis, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, vos pères m'ont encore outragé, en ce qu'ils ont commis un tel crime contre moi. C'est que les ayant introduits au pays, touchant lequel j'avais levé ma main pour le leur donner, ils ont regardé toute haute colline, et tout arbre branchu, et ils y ont fait leurs sacrifices, ils y ont posé leurs oblations pour m'irriter, ils y ont mis leurs parfums, et ont répandu leurs aspersions. Et je leur ai dit, que veulent dire ces hauts lieux auxquels vous allez? Et toutefois leur nom a été appelé haut lieu jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, ne vous souillez-vous pas dans le train de vos pères, et ne vous prostituez-vous point à leurs idoles abominables? Et en offrant vos dons, quand vous faites passer vos enfants par le feu, vous vous souillez par toutes vos idoles jusqu'à ce jour. Est-ce ainsi que vous me consultez, ô maison d'Israël? Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, que vous ne me consultez point, et ce que vous pensez n'arrivera nullement, en ce que vous dites, nous serons comme les nations, et comme les familles des pays, en servant le bois et la pierre. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, si je ne règne sur vous avec une main forte et un bras étendu, et avec effusion de colère. Et si je ne vous tire d'entre les peuples, et ne vous rassemble hors des pays dans lesquels vous aurez été dispersés, avec une main forte et un bras étendu, et avec effusion de colère. Et si je ne vous fais venir au désert des peuples, et si je ne conteste là contre vous face à face. Comme j'ai contesté contre vos pères au désert du pays d'Égypte, ainsi contesterai-je contre vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Et je vous ferai passer sous la verge, et vous ramènerai au lieu de l'Alliance. Et je mettrai à part d'entre vous les rebelles, et ceux qui se révoltent contre moi, et je les ferai sortir du pays auquel ils séjournent, mais ils n'entreront point en la terre d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous donc, ô maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, allez, servez chacun vos idoles, même puisque vous ne me voulez pas écouter, aussi ne profanerez-vous plus le nom de ma sainteté par vos dons, et par vos idoles. Mais ce sera en ma sainte montagne, en la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, que toute la maison d'Israël me servira, dans toute cette terre, je prendrai la plaisir en eux, et là je demanderai vos offrandes élevées, et les prémices de vos dons, avec toutes vos choses sanctifiées. Je prendrai plaisir en vous par vos agréables odeurs, quand je vous aurai retiré d'entre les peuples, et que je vous aurai rassemblé des pays dans lesquels vous aurez été dispersés, et je serai sanctifié en vous, les nations le voyant. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je vous aurai fait revenir en la terre d'Israël, qui est le pays touchant lequel j'ai levé ma main pour le donner à vos pères. Et là vous vous souviendrez de vos voies, et de toutes vos actions, par lesquelles vous vous êtes souillés, et vous vous déplairez en vous-même de tous vos maux que vous aurez faits. Et vous saurez que je suis l'Éternel, par tout ce que j'aurai fait envers vous à cause de mon nom, et non pas selon vos méchantes voies, et vos actions corrompues, ô maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel.